Bonjour à tous, c'est Tibulus, le petit lutin du Père Noël. Et vous le savez, j'anime le podcast de l'Avent, avec l'autorisation du Père Noël quand même. Et aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre, alors on va pouvoir ouvrir la case 4. Et la case 4, il y a une surprise et probablement une anecdote de bêtises. Mais en tout cas, on va le découvrir tout de suite. Ouverture de la case. Oh, mais une lutine! Comment t'appelles-tu? Cannelle. J'adore Cannelle, on est amis depuis très longtemps, on s'entend très bien tous les deux. Dis-moi Cannelle, c'est quoi ton activité au quotidien en tant que lutine du Père Noël? Alors je fais plein de choses, moi je suis un peu l'assistante du Père Noël, je suis très très importante, le Père Noël m'adore. Oui c'est vrai, il t'adore, il parle souvent de toi. Et est-ce que tu avais une bêtise que tu as faite parce qu'on te connaît assez sage, mais bon des fois il t'arrive de faire des bêtises? Comme je suis l'assistante du Père Noël et que tous les enfants envoient plein de lettres au Père Noël. Eh bien, moi, j'ai voulu aider le Père Noël pour trier les lettres et pour envoyer les commandes aux ateliers du Père Noël. Sauf que, des fois, je suis un petit peu tête en l'air et j'ai oublié des lettres dans l'enclos des rennes parce que, je vous ai dit, je suis l'assistante, alors j'ai aussi été donnée à manger aux rennes et puis, j'ai laissé des lettres dans l'enclos. Et ce qui s'est passé, c'est que les rennes, ils ont mangé les lettres du Père Noël. Non ! Oh, les pauvres petits amis, alors, ceux qui ont écrit, comment t'as fait ? Ils ont pas reçu leur cadeau, comment ça s'est passé ? J'ai une très bonne mémoire, donc j'ai essayé de recopier les commandes pour les envoyer à l'atelier du Père Noël, mais j'ai peut-être fait quelques petites erreurs, donc je m'excuse auprès des enfants, c'était il y a quelques années, je m'excuse auprès des enfants qui ont reçu des cadeaux qu'ils avaient pas forcément commandés. Après, il y en a peut-être qui étaient contents. Moi, tu sais, Cannelle, j'adore les surprises. C'est pas forcément le cadeau auquel j'ai pensé qui me fait le plus plaisir à Noël. J'espère que Julien a été content avec sa trottinette. Tous les enfants adorent les trottinettes. Moi, j'en ai une et je m'en sers pour aller à l'atelier du Père Noël. Alors, c'est un super cadeau. En tout cas, pour ce Noël-ci, Cannelle, tu peux nous garantir que les commandes sont bien arrivées et bien envoyées à l'atelier de fabrication de jouets. Y a pas de problème cette année. Aucun problème cette année. Mais vous pouvez encore envoyer vos lettres, les enfants. Ah oui, il est encore temps, nous sommes que le 4 décembre. Allez-y, prenez une lettre, un stylo et écrivez ce qui vous ferait plaisir. Merci Cannelle pour ce témoignage. De rien, j'ai hâte de passer vous voir, les enfants. À demain tout le monde pour de prochaines bêtises de Noël dans notre podcast de l'Avent. C'était Tibulus et Cannelle. Au revoir. Au revoir.